Si vraiment nous sommes les uns et les autres animés de la volonté ardente de faire l'unité africaine, il faut que nous prenions l'Afrique telle qu'elle est. Il faut que nous renoncions aux prétentions territoriales si nous ne voulons pas instaurer en Afrique ce que l'on pourrait appeler l'impérialisme noir. Car pour nous, l'impérialisme n'est pas le fait d'un pays, d'un continent ou d'un bloc. L'impérialisme, c'est cette manifestation de la volonté de domination d'un homme sur un homme, d'une société sur une société, d'un peuple sur un peuple, et de vouloir à tout prix lui imposer son mode de pensée, son mode de vie, son mode de développement politique et économique. Et alors, l'unité africaine exige de chacun de nous le respect intégral de l'héritage que nous avons du système colonial, c'est-à-dire le maintien des frontières actuelles de nos États respectifs. S'il est une intervention attendue ce 24 mai 1963, c'est bien celle du président ghanéen Kwame Nkrumah, pacifiste militant, pacifiste radical, et cela depuis de longues années déjà. Nous l'écoutons.